très gentil. Rele Marie, habite sous Gary. Li fait couture, Henri Delry. Kayla Messi, ensemble avec Julie. C'est Amélie, qui a fait une mise en pli. Eline Vini, pour lui capable de faire une tragédie. Frère Henri, tombé couru. Puis elle partit, tombé dans sa vendue. Cécile, avec Angéline, pour tête Henri, tombé fait jalousie. C'est Anne-Marie, qui courit pour Witty. Eline Vini, qui courit la chercher la police. C'est Noville, qui était Chita, qui est parti, la police débarque. Cécile, avec Angéline, pour tête Henri, tombé fait jalousie. C'est Anne-Marie, qui courit pour Witty. Eline Vini, qui courit la chercher la police. C'est Noville, qui était Chita, qui est parti, la police débarque. Anne-Marie courit, pardon, la police est pardon. Tout le monde relé, pardon. La police met le bâton. Ou femme bon coup, bâton. La police met le bâton. Ou nan tripotage, bâton. La police met le bâton. Ou pile gazon, bâton. La police met le bâton. Oui, bon coup, bâton. La police met le bâton. Tout le monde relé, bâton. La police met le bâton. Bâton, la police met bâton.